j'ai pas tourné ma veste. On m'a fait des coups de traître. Moi, j'ai pas tourné ma veste. J'suis partout, j'avais la haine. Moi, j'traîne bien la thèse. Tu peux me croiser en Clio. J'serai capuche avec Maria. Y'en a, ils se permettent des choses parce qu'ils savent que j'suis nia. Le dem dem, il achète un Glock et un pom pom. Fasse du stunt au dem dem en esquivant les blem blem. Y'a pas Tony Montana, y'a beaucoup de Manny Rivera. Y'a pas Tony Montana, y'a beaucoup de Manny Rivera. Ça se tanguit d'être libéra pour zoner sur la French Riviera. J'suis en moto, tu me reconnais quand j'passe dans le secteur. Cascaraï, visère fumé, je croise l'inspecteur. Le shit est bon, c'est le crémeux, l'impression que tu es seul sur terre. Il part en boco, le chauffeur quand j'suis posé dans l'Uber. J'suis en moto, tu me reconnais quand j'passe dans le secteur. Cascaraï, visère fumé, je croise l'inspecteur. Le shit est bon, c'est le crémeux, l'impression que tu es seul sur terre. Il part en boco, le chauffeur quand j'suis posé dans l'Uber. Poto, j't'aime pas, évite-moi. J'suis bon qu'à faire des hits, moi. Tu vas pas, tu fais que des histoires. Moi, j'veux gagner des victoires. Tu t'enterres quand tu me piques, man. J'pourrais te trouver comme Hitman. Rafale gauche, droite comme Hitman. Dans la légende comme Zidane. Big up au petit à l'hôpital. Donner la force est vital. Votre Perrier dans le vitel. Ce soir, suite au Sofitel. C'est une bombe atomique, elle te rend euphorique. Elle te cachera si tu profites, elle. Un bruit de folie, c'était téléphoné. Vous deux, c'était trop nickel. Recule du bolide, sans le y'a la caution. Le shit et la potion. J'suis en moto, tu me reconnais quand j'passe dans le secteur. Cascaraï, visère fumé, je croise l'inspecteur. Le shit est bon, c'est le crémeux, l'impression que tu es seul sur terre. Il part en boco, le chauffeur quand j'suis posé dans l'Uber. J'suis en moto, tu me reconnais quand j'passe dans le secteur. Cascaraï, visère fumé, je croise l'inspecteur. Le shit est bon, c'est le crémeux, l'impression que tu es seul sur terre. Il part en boco. Chauffeur quand j'suis posé dans l'Uber. J'tourne, il me reste des miettes dans le pochon. Vois tout le monde qui me fait le signe d'huile dans les bouchons. J'préfère une tapette qui assume qu'un qui se monte tout le temps. J'en détends dans la montagne en deux temps. Tu te demandes des choses, le sang c'est embêtant. J'suis fait d'or et de platine et de béton. J'suis en moto, tu me reconnais quand j'passe dans le secteur. Cascaraï, visère fumé, je croise l'inspecteur. Le shit est bon, c'est le crémeux, l'impression que tu es seul sur terre. Il part en boco, le chauffeur quand j'suis posé dans l'Uber. J'suis en moto, tu me reconnais quand j'passe dans le secteur. Cascaraï, visère fumé, je croise l'inspecteur. Le shit est bon, c'est le crémeux, l'impression que tu es seul sur terre. Il part